Bon, donc moi je vais essayer de présenter l'état de mes travaux achevés et en cours autour de la question du changement climatique et du saisissement en fait de ce nouvel objet d'action publique par des collectivités locales et par des différents espaces territoriaux. Donc c'est effectivement des recherches à la fois qui sont terminées et d'autres qui ont pris la suite. C'est des recherches qui ont été faites dans le cadre de financement en fait, et d'appels à propositions de recherche dans le cadre de différents programmes. Donc la première auquel j'ai participé, donc oui je précise, je suis associée à une équipe de Tours en fait, qui travaille sur ces questions. Donc la première, qui n'était pas la première à Tours, mais la première moi à laquelle j'étais associée, c'était une réponse qui a été faite dans le cadre du programme politique territorial et développement durable du ministère là, de l'environnement, je ne sais même plus comment il s'appelle. Enfin, ministère, bon, voilà, on va dire ça. Je mets au hasard quelques E, quelques D, je ne sais pas trop le nom exact, mais bref. Et du PUCA. Et donc on avait répondu, en fait, il y avait eu un volet supplémentaire avec une entrée inégalité écologique, et en fait on avait répondu sur cet axe inégalité écologique à partir d'un travail sur le changement climatique. Le deuxième qui est en cours, il est là du coup financé toujours par ce même ministère dans le cadre du programme gestion et impact du changement climatique, et là un programme comme son indique, vraiment ciblé sur le changement climatique, et qui finance quelques recherches en sciences sociales parmi une majorité de recherches pas en sciences sociales, de climato, et parmi les sciences sociales, c'est essentiellement des économistes. On doit être à peu près les seuls, on est un peu le quota de sciences sociales non économistes. Est-ce que vous avez signé l'appel contre Allègre? Non, pas du tout. Et puis un troisième projet, bon lui c'est, alors qui est plus dans lequel je suis pas engagée directement, qui est en fait une coordination de différentes équipes qui est coordonnée donc par Brigitte Queneau, qui est l'économiste à Rennes, et qui avait fait un appel en fait à différentes personnes qui travaillaient sur cette question dans le cadre d'une réponse à un projet PIRV, donc qui est le programme interdisciplinaire de recherche ville-environnement du CNRS. Et donc là, on est associé, mais plus à titre secondaire. En fait, on ne fera pas de terrain spéciaux pour ce projet-là. J'ai essayé de rassembler en fait les différentes approches qui étaient les nôtres dans ces projets successifs. Au début, j'avais titré hypothèses, c'était pas vraiment des hypothèses. J'ai mis au final partie prix de recherche. Bref, hein, c'est un peu les entrées qu'on a choisies pour appréhender cette question. Donc une première autour de la question du développement durable, ou plutôt c'est l'idée de voir en fait comment cette question du changement climatique elle vient matérialiser et illustrer différents principes d'action qui avaient été énoncés au titre du développement durable, notamment autour du fait de changer les horizons à la fois spatiaux et temporels de l'action, avec l'idée de considérer une durabilité à la fois interne et externe au territoire, ce donc on fait peser des responsabilités et des impacts sur en interne sur un territoire donné ou sur d'autres espaces, et temporel par rapport à des choix et à des impacts, à des enjeux de court et de long terme qui se chevauchent ou pas. C'est l'idée aussi que cette question du climat, enfin, qui a connu une montée en puissance assez fulgurante là, ces dernières années, elle vient quelque part recouvrir l'enjeu du développement durable. Enfin, pas l'enjeu, mais du moins, elle devient un peu surplombante en fait, par rapport au développement durable. Et au point que finalement on va utiliser une problématisation autour du climat et des outils autour du climat pour donner corps en fait à des politiques publiques ou des cadres qui avaient été amenés avec le développement durable. C'est notamment le fait d'utiliser l'unité de CO2, les bilans carbone, etc. comme unité de mesure de l'impact environnemental. Et du coup, voilà, ça devient un peu comme un instrument un peu très très concret, peut-être parfois un peu facile, qui vient donner corps en fait à ces histoires de développement durable. L'autre entrée du coup, alors qui était là en réponse à, au projet qu'on avait fait dans le cadre du projet sur les inégalités écologiques, c'était de considérer le changement climatique comme un facteur de vulnérabilité et à l'échelle locale, et un facteur, enfin du moins un élément qui pouvait être porteur d'inégalités. Et le choix qu'on avait fait, c'est de considérer ces inégalités à partir d'une lecture locale. En général, quand on parle d'inégalités au titre du changement climatique, on parle des inégalités entre pays, enfin à l'échelle internationale, entre pays pauvres et pays riches, et entre groupes sociaux, en considérant que ça va être les populations les plus défavorisées qui vont être impactées, enfin qui vont subir les effets les plus directement. Et donc le choix qu'on avait fait, c'est de voir en fait, avec cette lecture des inégalités, de regarder différents territoires qui étaient à la fois, qui connaissaient des impacts plus ou moins graves, plus ou moins importants, impacts négatifs, mais aussi parfois impacts positifs, et des territoires qui se trouvaient avec des capacités d'anticiper ou de réagir à ces impacts très variables selon les différentes ressources dont ils étaient dotés. Bon, ça c'était plutôt un résultat en fait qu'une question de départ, mais bref, ça rentrait de fait dans cette lecture sur les inégalités. Et puis l'autre choix de recherche, c'était de se focaliser sur la dimension adaptation. Donc quand on parle de changement climatique, on considère qu'il y a deux volets en fait autour de ça. C'est d'une part la dimension mitigation ou réduction des émissions, donc ce qui s'attache à réduire le problème, à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, et d'autre part le volet adaptation qui consiste à s'adapter aux effets soit déjà à l'œuvre, soit qui sont prévus par rapport à des dérèglements climatiques. Alors l'adaptation, c'est de fait un sujet qui est complètement émergent, qui est en train d'apparaître à la fois du point de vue de l'action et de l'action locale, et mais aussi du point de vue de la recherche. Et donc cette dimension d'adaptation, elle soulève des enjeux assez forts en termes de connaissances et de production de connaissances, et notamment de production de connaissances au niveau local, puisqu'il s'agit, un des enjeux premiers pour des territoires, c'est de connaître leur vulnérabilité, de caractériser leur vulnérabilité. Et c'est aussi des enjeux en termes d'action, puisqu'il s'agit pour des acteurs locaux de décider à long terme et en situation d'incertitude, c'est-à-dire dans la mesure où les connaissances ne sont pas du tout stabilisées et sont même parfois complètement pas existantes du tout. Voilà, donc l'intérêt central à partir de cette entrée sur le changement climatique, c'est un peu finalement d'utiliser aussi ça comme prétexte pour voir comment ce nouvel enjeu, enfin ce nouvel objet d'intervention était amené à rebattre certaines cartes de l'action publique territoriale, voir finalement en quoi on était là sur quelque chose de nouveau ou pas. Est-ce qu'on était sané des principes d'action, des logiques d'action nouvelles ou pas. Donc voilà pour le cadre de questionnement. Alors tout ça nous a amené en fait à aller travailler sur plusieurs terrains. Ça peut paraître un peu hétéroclite, enfin ça l'est d'ailleurs de fait. À partir de cette question de regarder des espaces vulnérables, en fait, on était parti dans l'idée de regarder des territoires dans des contextes complètement différents qu'on pensait, qui présentaient certaines vulnérabilités à l'égard du changement climatique, et ce qui nous avait amené à aller à la fois sur un espace donc, de montagne, de moyenne montagne, donc on avait regardé le secteur de Villard-de-Lans dans le Vercors. Un espace littoral, donc là on avait choisi l'île de Ré, et un espace urbain, et on avait fait le choix du Grand Lyon, donc au titre en fait d'espace vulnérable. Et puis, donc ça c'est pour le projet qui est fini, pour lequel on a produit le rapport. Et pour le projet en cours, là on a focalisé sur deux types de, enfin pas tant d'espace, mais en tout cas d'institutions. une échelle régionale et deux communautés urbaines, en l'occurrence le Grand Lyon et Montréal. Donc voilà pour les terrains. Alors après, ce qu'on regardait précisément, c'était d'essayer d'analyser en fait quels étaient les processus de mise en politique locale de la question climatique, donc comment cette question émergeait, à partir de quels acteurs qui amenaient en fait cet enjeu sur la table des choses à prendre en compte, avec quels outils d'intervention, quels leviers d'action. Autre point auquel on portait attention, c'est de voir comment cette question du changement climatique se positionnait par rapport à des champs traditionnels de l'environnement d'une part et par rapport aux démarches de développement durable d'autre part. Plus généralement, quelle appropriation, quelle traduction locale était faite à la fois des enjeux d'atténuation et d'adaptation? Est-ce qu'on avait des spécificités locales en fait de réponse et d'attention portée au changement climatique? Et dans quelle mesure ça s'était mis en débat au niveau local et éventuellement ça donnait lieu à des conflits locaux? Ça, en fait, là aussi, c'était plus un résultat qu'une question de départ, puisqu'on a vu cette situation dans le cas de la montagne, de Villard-de-Lans, où il y avait un projet d'unité touristique nouvelle avec un débat assez cristallisé autour du choix d'agrandir en fait le domaine skiable ou bien de passer à un modèle de développement autre. Voilà. Alors, du coup, là, je vais essayer de présenter des résultats ou des pistes en essayant de cibler un peu plus sur les questions urbaines. Et puis, du coup, là, je présenterai en dernier lieu ce qui se passe au Grand Lyon. Je me suis dit que c'est ce qui vous intéresserait en premier lieu. Donc sur la question du climat et de l'action publique urbaine, donc quelques généralités. D'une part, c'est le fait que les villes, les espaces urbains se positionnent souvent comme des entités pionnières de la lutte contre le changement climatique et souvent dans une réaction à une inaction ou à une action jugée insuffisante de la part des États, des États nationaux. Donc c'est le cas des villes américaines qui vont s'engager s'engager sur le protocole de Kyoto alors que l'État fédéral en tout cas ne l'a pas fait. Mais c'est aussi, même pour des États qui sont signataires du protocole, il y a une volonté des villes de se positionner comme des acteurs qui vont même aller un pas en avant par rapport à ce qui est fait dans le cadre des protocoles nationaux. C'est le cas de Lyon, par exemple, enfin, en tout cas qui s'affiche très, très nettement là-dessus. Donc il y a cette idée comme ça d'avoir donc des villes qui se positionnent un peu comme des... des entités un peu motrices de la lutte contre le changement climatique. Et puis, on retrouve cette présence des villes au sein de réseaux assez variés, d'échanges, d'expériences et d'expertises, soit vraiment ciblées sur la question du climat ou de l'énergie, soit plus générale sur le développement durable. Et donc, on retrouve ça autour de l'ICLEI, de Climate Alliance, qui est un réseau de villes qui est ciblé plus sur la question de l'adaptation, ou, donc là, c'est au niveau... européen. Et puis au niveau national, on retrouve ça autour d'Énergicité, qui vise en fait à faire fonctionner en réseau comme ça plusieurs villes. Donc on a une particularité finalement du positionnement des villes en dehors de ce qui se passe dans les réseaux, à l'échelle nationale. Et alors, En France, à l'heure actuelle, en fait, on est dans un contexte qui est complètement en train d'évoluer et de changer de manière assez radicale, puisque, enfin là du coup du point de vue institutionnel et réglementaire, puisque en fait on est passé de mesures qui étaient prises dans un cadre tout à fait volontaire, c'est-à-dire que s'engager des territoires qu'ils souhaitaient, on est en train de passer à une autre dimension. Là, c'est en train de rentrer dans le cadre des compétences obligatoires et des choses à faire obligatoires pour les villes. Et c'est le cas notamment avec, donc suite au vote de la loi de Grenelle du mois d'août dernier, c'est le cas donc pour les villes de plus de 50 000 habitants qui vont toutes devoir adopter des plans climat, énergie, territoriaux d'ici 2012. Donc là, on est vraiment en train de changer de dimension, quoi. Toujours dans cette loi du Grenelle, c'est la mise en place des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie, qui sont en fait une refonte des PRQA qui n'existeront plus et seront remplacés donc par ces schémas régionaux air, climat, énergie. Donc là, on est sur des choses qui commencent à peine à se mettre en place. Et puis, autre élément de ce changement, donc c'est qui apparaît dans une réécriture donc de l'article, je crois que c'est le premier article qui cadre en fait les compétences des collectivités publiques en matière d'urbanisme. Donc l'introduction du fait de devoir réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles et donc de contribuer à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement donc dans le code de l'urbanisme. Donc voilà, ça devient un objet d'intervention qui est maintenant passé dans le cadre des choses obligatoires. Donc voilà pour les éléments généraux. Alors là, en abordant peut-être un peu plus précisément ce qu'on a vu, nous, de ces différentes études, par rapport à l'engagement des collectivités, c'était qu'on trouvait souvent le cas de figure suivant, qui était un engagement d'abord interne des collectivités et puis qui s'élargissait sur leur territoire de compétences et de responsabilités. C'est-à-dire que la première étape, en fait, c'était d'avoir à la fois des audits internes sur le champ direct, en fait, de compétences des collectivités. Ça va être, par exemple, de calculer les émissions de CO2 de la flotte de véhicules de la communauté urbaine ou de calculer les émissions liées aux écoles, aux bâtiments publics, enfin ce genre de choses. Donc avec l'idée de un peu de regarder d'abord en interne et d'avoir des actions qui portent sur ce domaine interne. Et dans une logique pas mal d'exemplarité. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas tant ce que ça va amener en termes de réduction. Bon, mettre des panneaux solaires, par exemple, sur l'hôtel communautaire du Grand Lyon, ce genre de choses, ça va pas fondamentalement révolutionner les choses, mais c'est l'idée de faire d'abord le ménage chez soi, quoi, et de se poser comme exemplaire par rapport à ces histoires de climat. Et donc la deuxième étape après avoir fait ce travail interne, l'idée c'est à la fois de diagnostiquer les enjeux et les potentiels de réduction et d'action à l'échelle d'un territoire donné et d'engager des actions auprès des activités et des différents acteurs présents sur ce territoire. Avec le problème qui se présente tout de suite, qui est celui de définir le périmètre en fait, des émissions et des responsabilités. C'est-à-dire que, par exemple, pour un territoire donné, est-ce que, quand on cherche à quantifier les émissions de CO2, est-ce qu'il est légitime d'inclure la production de nourriture qui est consommée sur un territoire ? enfin de nourriture et, ou d'autres biens de consommation d'ailleurs. Est-ce qu'on choisit d'inclure ou pas l'aéroport, ce qui change la donne là, en termes de résultats. Est-ce que, même si on inclut l'aéroport, est-ce que c'est légitime d'y intégrer, par exemple, les voyageurs qui sont en escale, qui se posent à un moment donné ? Enfin, voilà, ça pose, en fait, ces démarches de quantification et de recherche, de caractériser les responsabilités d'un territoire donné par rapport au changement climatique et des émissions de gaz à effet de serre, tout de suite, ça se heurte à cette question du périmètre. Comment on compte en fait la responsabilité d'un territoire donné par rapport au gaz à effet de serre, et donc c'est pas du tout évident, et les démarches de bilan carbone elles sont très relatives, en tout cas elles sont à regarder avec beaucoup d'attention à cause de ça, quoi. C'est-à-dire qu'en gros il y a quand même une marge de manœuvre qui est assez importante. Donc, premier élément autour de cette étape comme ça qui est dans tous les cas en fait se retrouve d'abord avec une focalisation sur l'interne et puis ensuite plus à l'extérieur. Et autre cas de figure qu'on retrouve aussi de manière systématique, c'est une focalisation sur l'atténuation. C'est-à-dire que bon, d'une manière générale, le problème du climat, il a été posé d'abord en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et la question de l'adaptation est venue avec un décalage assez net, à tous les niveaux, au niveau international, national, etc. Et au niveau local, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est assez rare en fait de voir un positionnement de collectivité urbaine ou autre sur la question de l'adaptation. Donc là-dessus... Il y a plusieurs éléments d'explication ou de lecture par rapport à ça. Donc ça, c'est un tableau qu'avait fait mon collègue en fait, qui essaie de schématiser ce décalage en fait, entre l'attention portée à l'atténuation et à l'adaptation, avec des raisons autour des connaissances à disposition des acteurs locaux, avec du côté de l'atténuation le fait qu'on a des savoir-faire ou voire des données ou des pratiques qui sont déjà à l'œuvre et qui sont facilement mobilisables, ce qui n'est pas le cas pour l'adaptation. Des outils et un cadre juridique qui là aussi fait qu'on va avoir plus facilement prise sur des enjeux de l'ordre de l'atténuation, ce qui n'est pas le cas pour l'adaptation, notamment parce que on se retrouve, dès lors qu'il est question d'adaptation, on se retrouve sur des enjeux de gestion des risques, et donc avec des outils et des plans, etc., qui sont la plupart du temps gérés par les services de l'État. Un portage politique, alors là, qui est... c'est quelque chose qui est en train de changer, il me semble, mais en tout cas qui a été vrai assez longtemps, c'est-à-dire que c'était plus facile d'avoir un discours politique sur la réduction des émissions, qui avait qui était moralement plus acceptable, plutôt que de parler d'adaptation, de risques à venir, où là c'était un peu plus anxiogène, ça amenait aussi à des actions plus coûteuses, et du coup c'était... c'est une des raisons qui nous semblait, pour lesquelles ça avait été laissé de côté. Avec l'idée aussi que ça risquait de délégitimer, le fait de s'attaquer à l'adaptation, ça pouvait être perçu ou vécu comme un renoncement en fait, voilà, par rapport aux efforts qu'on pouvait mettre en place en termes de réduction. Et puis aussi, alors là c'est peut-être finalement la raison la plus... qui fait le plus sens, c'est qu'on est, par rapport aux mesures d'atténuation, facilement sur des possibilités d'avoir des approches, ce qu'on appelle gagnante-gagnante, ou double dividende, ou je ne sais plus quel est l'autre terme, double bénéfice, avec l'idée que, d'une part, on réduit des consommations d'énergie, des émissions de gaz à effet de serre, et d'autre part, on va baisser les factures énergétiques, etc. Ou avoir un meilleur confort, ou une meilleure isolation, etc. Et donc du coup, on était sur des dispositifs voilà, qui étaient bénéfiques pour tout le monde, ce qui n'est pas le cas de l'adaptation dans la mesure où on est face à des dispositifs qui sont coûteux. Alors c'est pas vrai qu'il n'y a pas de bénéfices, mais en général il y a un décalage entre le coût à investir et les bénéfices qui sont calculables à beaucoup plus long terme. Et donc ça c'était une des raisons qui était sûrement une des plus prégnantes en fait dans cet ordre d'explication. Voilà, bah je vais finir peut-être en rentrant un peu plus dans le détail de ce qu'on a vu au Grand Lyon. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que je parle? Ça fait, disons, 25 minutes. Ah ouais, déjà. À peine, ouais. 25 minutes. D'accord. Pas une demi-heure. Ok. L'heure et demie. Non, c'est pas vrai. Bon, mais j'en ai plus pour très longtemps, en tout cas. Alors, au Grand Lyon, en fait, j'ai présenté les choses en deux temps. D'une part, dans un premier temps, qui est plus trop à l'ordre du jour, en fait, parce que les choses, là aussi, ont changé rapidement, qui est en fait les résultats de la première étude donc, que j'ai faite il y a longtemps, avant même que je sois lyonnaise, hein, moi-même. Et puis, dans un deuxième temps, je présenterai plus ce qui me semble avoir changé depuis ce temps-là et les choses qui se posent, qui sont plus à l'ordre du jour actuellement. Donc pour les choses les plus anciennes, enfin anciennes, c'est pas non plus, c'est 2006-2007. Hein. Mais bon, il se trouve qu'effectivement, on est sur des choses qui évoluent très rapidement. Donc, du point de vue de l'émergence de cette question du climat comme objet d'intervention donc de la communauté urbaine du Grand Lyon, cette émergence, elle est le fait de manière assez nette d'une mobilisation à la fois d'acteurs techniques et associatifs. C'est-à-dire que c'est pas des acteurs politiques qui ont mis ça sur la table des choses auxquelles s'attaquer. C'était assez nettement une conjonction d'acteurs techniques, associatifs notamment autour des agences locales de l'énergie. Et puis avec du côté politique, à l'époque, une sensibilisation des élus verts. Mais voilà, c'était quelque chose qui n'était pas vraiment présent à l'agenda politique, et en tout cas qui a été amené par ce type d'acteurs. L'autre particularité par rapport à la manière dont cette question a été formalisée au début, c'est que très tôt, en fait, il y a eu un volet adaptation, et ce volet, il a été amené, enfin, comment dire, il est apparu avec le fait que le Grand Lyon était membre d'un réseau qui s'appelait Amica, qui est une démarche de Climate Alliance, là dont je parlais tout à l'heure, qui est un réseau de villes européennes. Et Amica, alors je ne sais plus ce que ça veut dire, mais AEM, c'est en tout cas Adaptation and Mitigation, avec l'idée d'agir de manière intégrée à la fois sur l'adaptation et la mitigation, donc la réduction. Et c'est parce qu'il y avait, alors c'est dur après coup de dire quel élément a été à amener l'autre, enfin qui de poulet de l'œuf, est-ce que c'est le fait qu'on s'attache à l'adaptation qui a fait qu'ils ont adhéré au réseau ou pas, mais enfin ça semble quand même très lié, la participation à ce programme et le fait d'avoir mis très tôt, en fait, par rapport à d'autres collectivités, ce volet adaptation sur la table. Deuxième point par rapport à la manière dont le climat s'est un peu fait une place dans le champ, par rapport aux autres secteurs et aux institutions qui étaient là en place, c'est donc d'une part pour ce qui concerne les démarches de développement durable, il y a eu un jeu d'ajustement en fait avec l'agenda 21. En gros, il y avait d'une part le plan climat qui commençait à se mettre en place, à se formaliser, et d'autre part l'agenda 21 qui était lui un peu plus avancé. Et à un moment donné, les acteurs se sont posés, bon ben qui va dans. Lequel va dans l'autre et comment on lit les deux. Alors finalement, le plan climat est devenu un volet de l'agenda 21. Et en fait, c'est tombé bien dans le sens où ça a permis à la communauté urbaine de se positionner sur la question énergétique, pour laquelle ils n'ont pas de compétences, en fait. Et du coup, ça permettait de se positionner sur ce champ-là, et puis du coup de venir remplir un peu le volet énergie du plan climat qui était un peu vide. Donc il y a eu comme ça un jeu de... Donc là aussi c'est dur de retracer comment ça s'est fait précisément, mais en tout cas il y a eu un jeu d'ajustement entre ces différents éléments. Et puis ce qu'il y a eu aussi, qui là se comprend assez facilement, c'est une filiation avec le secteur de la qualité de l'air, puisque... la première phase de diagnostic pour élaborer le plan climat a consisté à utiliser des données qui étaient produites dans le cadre de la politique d'amélioration de la qualité de l'air, et notamment des données de la Coparlie, en fait. Donc là, il y avait une filiation assez nette entre air et climat. Autre particularité lyonnaise, donc de cette première étape de la formation d'une politique climatique, c'est la volonté de maîtriser les outils de diagnostic. Alors ça, c'était... Bon, finalement, ils ont fait un bilan carbone interne, mais à l'époque, il y avait quand même cette idée, ils n'étaient pas très chauds, en fait, pour réutiliser donc le bilan carbone qui est produit par l'ADEME, en fait, qui est mis en place par des gens qui sont formés par l'ADEME, et le Grand Lyon souhaitait avoir la maîtrise des outils qu'ils utilisaient et avait voilà, cette volonté-là de se positionner un peu sur le volet de l'expertise. Et puis, autre particularité donc, qui là ont trait à des mesures d'adaptation, c'est donc des choses assez originales. Alors, qui ont été mises en place, c'est pas tellement vrai. C'est des choses qui existaient par ailleurs, qui ont été requalifiées au titre du climat. Et c'est le cas notamment de la charte de l'arbre. Qui est une sorte de programme en fait qui concerne donc la place des végétaux dans la ville et un traitement assez original des végétaux. Et donc, dans le cadre de la charte de l'arbre, on a décidé de choisir des essences qui s'adapteraient à un climat modifié et de penser les aménagements végétaux à long terme. Et puis l'autre entrée qui a commencé à s'imposer, et c'est sûrement encore plus vrai maintenant, c'est les enjeux de connaissance et de traitement des îlots de chaleur. Parce que c'était finalement, ça a été identifié comme un des principaux problèmes qui se posait à Lyon par rapport à un réchauffement global, c'est qu'effectivement on a un risque en cas d'épisode de grande chaleur, de surchauffe, quoi. D'espaces qui sont assez minéraux, denses, etc. Et ça, c'est lié aussi au fait que la canicule a été particulièrement forte et meurtrière ici. Donc voilà, en fait, ce qu'on avait dit à l'époque de la mise en place du plan climat. Ce qu'on peut en dire aujourd'hui, alors bon, ça c'est vraiment des choses, il se trouve que j'ai pas refait de terrain depuis, ça va se faire très prochainement, mais du coup c'est plus des choses qui me sont de ce que j'ai pu entendre finalement depuis les 6 mois que je suis ici, mais sans vraiment avoir fait un travail fouillé d'analyse, quoi. C'est plus des choses que j'ai vues comme ça ici ou là. Donc tout d'abord, il me semble qu'on est passé à une autre ampleur en termes de mobilisation politique sur la question du climat. Donc on a, il me semble, de manière assez nette maintenant, une prise en charge politique de cet enjeu et un discours du point de vue des acteurs politiques qui est beaucoup plus présent, notamment avec la désignation d'un élu chargé du plan climat. Et ce discours, il est pas mal rattaché à des enjeux sociaux, et notamment le fait de dire que la lutte contre le changement, enfin du moins la prise en charge de cette question du climat, c'est aussi s'attacher à des enjeux sociaux et d'anticiper sur des inégalités qui pourront se produire, notamment en termes d'inégalité par rapport au coût énergétique, mais pas que. L'autre chose qui m'a semblé s'affirmer aussi, c'est la prise en compte du climat. Alors dans l'urbanisme, dans des enjeux, des démarches qui ont trait à l'urbanisme, tout d'abord autour de la planification urbaine. Donc il y a l'idée d'intégrer, de traduire ce qui a été en fait amené par le plan climat, notamment dans la démarche de Scott. Donc là aussi, je ne sais pas jusqu'où ça ira en fait dans cette traduction et en quoi ça amènera à des choix vraiment différents ou importants. Mais en tout cas, on est y a un changement d'étape par rapport à ça, quoi. On est dans une phase où cette question du climat, elle est plus juste concentrée, je dirais, à l'intérieur du plan climat, mais elle est censée être abordée donc, dans le cadre de démarches de planification. L'autre chose aussi que j'ai trouvé qui était assez présent dans le peu que j'ai entendu de ces derniers temps, c'est un discours autour de la question du confort urbain et le fait que s'adapter au réchauffement, notamment en traitant les îlots de chaleur, c'était une des conditions pour parvenir à densifier, du moins à éviter l'étalement urbain. C'est l'idée de dire que, en fait, une des premières manières qu'auront les habitants de s'adapter, c'est d'aller dans le périurbain, là où il fait un peu plus vert et un peu plus frais l'été. Et que du coup, si on veut éviter ça, il s'agit d'améliorer en fait le confort, notamment thermique, dans les zones denses. Donc il y a comme ça une lecture du confort urbain, de la question d'étalement et de la densification et du climat qui se trouve mis ensemble, quoi. Et puis, autre chose qui apparaît, qu'on n'avait pas trouvé il y a quelques années, c'est aussi des discours autour de la santé. Bon, j'ai mis dans... C'est pas vraiment directement lié à l'urbanisme, mais en tout cas, c'est aussi quelque chose qui apparaissait un peu comme nouveau. Et puis, ce qui n'est pas forcément nouveau, mais qui s'affirme, c'est donc là aussi un discours sur le fait de s'intéresser à l'adaptation comme une façon, le fait de voir ça comme un investissement de long terme, de le rattacher à des objectifs de compétitivité, notamment économique, avec le fait de favoriser la mise en place de clean tech, etc., sur le territoire lyonnais. Et toujours le fait de se positionner comme un précurseur, comme une ville pionnière sur la question. Bon, un peu moins là, parce que finalement on ne peut pas être pionnier sur la durée. Du coup, c'était plus peut-être pour la première période, mais il y a toujours cette volonté d'être au top sur ces enjeux de climat. Voilà, donc tout ça, c'est plus en fait, c'est pas vrai, c'est pas des résultats, quoi, c'est plus des impressions ou finalement aussi des hypothèses. Le fait d'avoir à les présenter, ça me fait aussi un cadre du coup pour aller refaire du terrain.